Metal Express avec Eric. Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être à l'écoute. Je vous rappelle donc que vous êtes dans le Metal Express comme chaque semaine de 19h à 21h. C'est le Metal Express, c'est Eric avec vous donc pour vous accompagner pendant ces 2 heures. Ce soir, il va y avoir pas mal de choses et d'ailleurs, on va commencer cette émission donc du Metal Express avec un groupe français. Il s'appelle Abigail. C'est extrait de leur album qui s'intitule Gun Control. Le morceau qu'on va écouter porte le nom donc de l'album Gun Control, suivi d'un autre groupe français. Il s'appelle Memories of a Dead Man, partie 2. Et puis, juste derrière, il y aura Hammerfall avec Dead Band Down. Voilà ce programme qui va déjà commencer. Je vous rappelle donc que vous pouvez également me laisser des messages. Très simple, vous allez sur la page Facebook du Metal Express ou bien sur mon profil Facebook Eric Seri. Allez, c'est parti, voici tout de suite le groupe français Abigail. Donc c'était le groupe Hammerfall avec Dead by Dawn, et puis bien avant on a eu Abigail, le groupe français donc avec son album Gun Control, un groupe français, c'est du très bon hard rock, ils nous viennent du Nord et ils ont une page Facebook, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis juste avant encore il y a eu Memories of Dead Men avec partie 2, ils reviennent après 5 ans d'absence, nouveau line-up, nouvelle identité, ils ont une page Facebook, nouvel album paraîtra courant de cette année, donc d'ici peu. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour sur leur page Facebook. Voici maintenant Amon Amarth avec Crack the Sky, et puis juste derrière il y aura Avantasia avec The Raven Child. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. We'll be right back.

as if the day was on the wane. Grow faint and attain to perfection. What a backdrop for a diamond. So we swing in the wind like the willow, meant to give way to the odor of the storm. Stream of destiny. Time flows to become a man of nothing. For a broken soldier of fortune. C'est Munglow, l'album, c'est le 8e album, donc complet du projet d'opéra métal de Tabea Samet Avantasia. Il est sorti l'année dernière, donc le 15 février 2019, et le morceau qu'on a écouté s'appelle The Raven Child. Et puis, juste avant, on a eu Amon Amarth avec Crack the Sky. C'était un extrait de l'album Berserker, qui était le 11e album du groupe de death metal suédois et qui était sorti le 3 mai 2019. Voici maintenant Rotting Christ, Ce morceau s'intitule The New Messiah, et puis juste derrière, il y aura Mad Reaper. Bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Yeah. Voilà, donc le groupe s'appelle le Mad Reaper. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle The Summoning. Vous pouvez les trouver sur Facebook. Maintenant, on va s'écouter un groupe français. Il s'appelle Radio Belgrade. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Instinct Primaire, tiré de l'album de Tous Mes Excuses. C'est un groupe de grunge rock alternatif français. Ils sont des Yvelines. Ils ont une page Facebook. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. C'est parti donc, voici Instinct Primaire, Radio Belgrade. Sur mes mains. Voilà, donc le groupe s'appelle Radio Belgrade. Je vous rappelle qu'ils sont français, ils viennent des Yvelines. Ils nous jouent un grunge rock alternative. Cet extrait donc de l'album Toutes mes excuses, le morceau s'appelait donc Instinct primaire. Allez sur leur page Facebook et vous allez voir tout ça. Voici maintenant le retour de Apocalyptica. Cet extrait donc du nouvel album Self Zero, il est sorti le 10 janvier. On va écouter le morceau Rise et juste derrière il y aura Dragon Force avec Highway to Oblivion. Bonne écoute dans le Metal Express. Thank you. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. From the sky, stood up for no one, but no better. Voilà donc à l'instant, c'était le groupe Dragon Force avec Highway to Oblivion, extrait de leur huitième album qui s'intitule Extreme Power Metal. Il est sorti le 27 septembre 2019. Et puis juste avant, il y a eu les Finlandais de Apocalyptica avec leur nouvel album instrumental intitulé Self Zero, sorti le 10 janvier. Ils étaient d'ailleurs en concert le 7 février à Paris avec Sabaton au Zénith. Voici maintenant un groupe français, il s'appelle Antipode. Ils viennent de sortir un titre qui sera d'ailleurs bientôt dans leur EP qui va paraître très très bientôt. Ce morceau s'intitule « Ne jamais douter ». Donc on ne doute pas, dans très peu de temps, on va avoir ce fameux EP de Antipode. Bonne écoute à vous tous dans le Metal Express. groupe est lyonnais, donc il s'appelle Antipode, avec le titre Ne jamais douter. Ce morceau figurera donc dans l'album qui est en préparation et qui va sortir courant de cette année. Donc j'espère que ça va pas tarder et on a hâte d'écouter ça. Voici un autre groupe français, il s'appelle Ignis Fatuus et ce morceau s'intitule For the Dead Travel Fast, suivi de Sonic Octane avec un morceau qui s'intitule Heaven Calling. Bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. C'est une découverte donc de Metal Express. Ce groupe s'appelle Sonic Octane avec un morceau Heaven Calling. C'est du très bon rock. Après ce groupe, voici Baby Metal avec un extrait qui s'appelle Starlight, suivi de Black Oxygen. Et ce morceau s'intitule Everything. Bonne écoute. Don't give up. darkest days, your jealous ways. Tell the tale, living with the fear of some big reveal. So vindictive with your words for someone my enemy doesn't deserve. So many times the voice is in my mind got pleased to hear this. Voilà donc le groupe Black Oxygen avec Everything. Et puis juste avant, on a eu Baby Metal avec Starlight. L'album s'appelait d'ailleurs Metal Galaxy. C'était le troisième album des Baby Metal, le phénomène Kawaii Metal venu du Japon. On va s'écouter maintenant un groupe qui s'appelle Lotus in Stereo avec King of America. Bonne écoute. She likes people, not all men. Voilà, donc le groupe s'appelle Lotus in Stereo avec un morceau qui s'appelle King of America. C'est un mélange d'alternatives rock-punk. Voici maintenant Modern Minds et ce morceau s'intitule Mind Lies. Bonne écoute. Voilà, le groupe s'appelle le Modern Minds avec Mind Lies. C'est un groupe alternatif rock. Ils ont une page Facebook. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Je vous propose maintenant Snipers of Babel avec I Knew the Beginning, suivi de Sister Kill Cycles avec Kenfield. Bonne écoute dans le Metal Express. C'est Eric avec vous donc jusqu'à 21h. We'll be right back. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. S'appelle Sister Kill Cycles avec Ken Phil. C'est du métal indus gothique déglingué, même déjanté, à la musique de Marilyn Manson. Il est un peu déguisé. Pareil, vous pouvez aller voir ça sur leur page Facebook, voire même sur Internet, sur le Google Play. N'hésitez pas à voir ça, mais bon, on aime, on n'aime pas. Bon, moi je ne dis rien. Et puis, juste avant, on a eu Snipers of Babel avec I Knew the Beginning. C'était un groupe américain et ça déménage pas mal. Ils ont une page Facebook, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Allez, après tous ces deux groupes, voici, ben on ne les présente plus, Rammstein, ça s'appelle Deutschland, vous êtes dans le Metal Express. We'll be right back. getrennt, im Herz vereint. Wir sind schon sehr lang zusammen, dein Atem kalt, das Herz in Flammen. Rammstein, le nom officieux du 7e album studio du groupe de metal indus allemand sorti le 17 mai 2019. Deutschland, le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant. Voici maintenant Whitesnake, ça s'appelle God to See You Again. Et puis juste derrière, il y aura Destruction avec Inspired by Death. Bonne écoute! Yeah. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, on reprend dans l'ordre. On a eu Whitesnake avec God to See You Again, extrait de l'album Flesh and Blood. Le 13e album du Serpent Blanc, il est sorti le 10 mai 2019, et bien décidément. Et puis à l'instant, on a eu Destruction avec Inspired by Death, tiré de l'album Born to Be Rich. Il est sorti le 9 août 2019 chez Nuclear Blast. Voici maintenant un groupe français, il s'appelle Inhale. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Kabbalah. Bonne écoute dans le Metal Express. Voilà, donc c'est tout pour ce soir. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour le Metal Express. Je vous rappelle que si vous avez envie de m'écrire, c'est très simple. Vous allez sur la page Facebook du Metal Express. Vous êtes un groupe de hard rock, de rock, de heavy metal, de black metal, death metal. Vous n'hésitez pas. Allez, quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Allez, ciao !